Frères et sœurs, le Seigneur est bon de nous prévenir et puis de nous aider à revenir au cœur de cette joie que nous avons de savoir que le salut est à portée. Le salut est là, dans le nom de Jésus. Alors aujourd'hui, vous voyez, toute cette semaine, il nous a préparé à cette fin des temps, il nous y prépare, sans cesse il le fait, mais là particulièrement toute cette semaine, et hier il nous a prévenu, alors vous voyez, il nous en a parlé dans toutes les manières, avec tendresse, avec douceur, avec amour, puis aussi avec le ton presque de la réprimande, en tout cas de l'avertissement, et même de la colère parfois. Et hier il nous a parlé de tous ces événements terribles qui accompagnent la fin des temps, qui doivent être là dans la fin des temps. Ces événements terribles que nous devons discerner, que nous devons voir, et pour lesquels nous ne devons pas nous affoler et perdre nos moyens. Ces événements terribles, ce sont les guerres, enfin tous les événements terribles que nous voyons aujourd'hui dans notre monde, et qu'en réalité nous voyons toujours. Ils ont toujours été là. Mais parfois, ils s'approchent de nous d'une manière particulière. Regardez, en ce moment, là, on parle de guerre avec la Russie. Alors on se dit, on s'affole. Et bien sûr, tous les médias s'affolent, tout le monde s'affole. Et il y a peut-être de quoi être très inquiet. J'en sais rien. Je ne suis pas dans les petits papiers ni de Poutine, ni de Trump, ni de Macron. Mais en tout cas, on nous parle de tout ça. Et alors, tout le monde s'affole, tout le monde se dit, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Vite, vite, il faut préparer des bunkers, etc. Et Jésus, voyez, nous dit pas de ne rien faire, nous dit pas de rester les bras croisés devant les terreurs de ce monde, devant les catastrophes naturelles, les signes du mal qui est dans le monde. Eh bien, il nous dit simplement, ne voyez pas seulement le mal dans tout ça. Regardez les choses telles que moi je les vois. Je vous dis, le règne de Dieu approche. Et lorsque vous voyez ces événements s'approcher de vous, comme il nous disait hier, redressez-vous, relevez la tête, c'est que mon règne est en train de s'approcher de vous. Et c'est bien sûr, frères et sœurs, lorsque nous regardons un petit peu les événements de nos vies, à quel moment le Christ est venu nous visiter d'une manière plus puissante, plus profonde? À quel moment est-ce que nous avons vu qu'il y avait comme un palier qui avançait dans notre foi? Nous avons passé, franchi une étape. Eh bien, c'est toujours à travers une épreuve. Parfois, eh bien, nous avons à travers une épreuve, nous sommes passés par un pèlerinage, et nous avons vécu une grâce. Une grâce puissante qui nous a permis de nous accrocher à lui plus profondément. Parfois nous l'avons senti de manière forte et très consolante, parfois pas du tout. Et pourtant c'est comme ça que le Seigneur, et nous avons vu que le Seigneur nous avait rapprochés de lui. Le règne de Dieu descend en nous comme cela. Ça n'était pas le plan de Dieu au départ, mais avec tout le mal qu'il y a dans le monde, eh bien il se sert du mal pour en faire le lieu, le creuset de son règne. Alors vous voyez, lorsqu'il nous dit, aujourd'hui il nous demande de faire appel à notre intelligence, alors là vous voyez, je fais appel à votre mémoire. Essayons de nous souvenir de tous ces moments où le Seigneur est venu dans notre vie, où il a vraiment nous a fait franchir des étapes, et il nous a permis d'accueillir son règne plus profondément. Ce sont toujours des événements où il y avait de l'angoisse, de la peur, de la souffrance, des difficultés, de la tristesse. Et pourtant, voyez, il nous dit, soyez intelligents, vous avez vu ça dans votre vie, et bien maintenant, regardez comme quand vous voyez les figuiers, tous les autres arbres, que vous les voyez bourgeonner. Vous savez qu'en réalité, le printemps est là, que l'été est tout proche, que la lumière va arriver, qu'il va y avoir une fleur et qu'il va y avoir des fruits. Vous savez faire ça lorsque vous regardez les plantes. Eh bien, regardez le monde de la même manière. Soyez intelligent comme ça. Vous voyez ces épreuves? Eh bien, bien sûr, ne vous réjouissez pas pour l'épreuve, mais sachez voir plus loin. Ces épreuves sont comme des bourgeons. Les bourgeons, vous savez, il faut qu'ils se déchirent pour que la fleur advienne. Eh bien, dans nos vies, dans notre monde, c'est ainsi que Dieu procède. travers les épreuves qu'il ne veut pas, mais qu'il permet, eh bien, il tire un plus grand bien. Alors nous, soyons ces hommes et ces femmes d'espérance. Soyons ces hommes et ces femmes qui croyons et qui, au milieu des épreuves de ce monde, savons, eh bien, voir la lumière qui se cache derrière, voir que le règne de Dieu est tout proche, et bien sûr qu'un jour, un jour viendra, où il sera établi définitivement et pour toujours et pour tout le monde. Ce jour-là, le Seigneur reviendra. Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, et c'est bien possible que ce soit en ce moment que ça se passe. Il arrive, il vient, son règne s'établit, et un jour ce sera définitif. Il n'y aura plus que lui, il n'y aura plus que son règne. Ça passera par de grandes tribulations pour le monde, mais ce sera pour la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.